chaque jour nous rencontrer. Ou pas sa gade, moi pas sa gade. Depuis m'pale ou tombe crié. Moi pas capable comprendre amour si là. Ou qui ça n'a pas souffri comme ça. Ça pour me faire pour posséder. Mami, mami. Complexe, mami, tout est prié, moi, mami. Dis-moi ça pour me faire pour me posséder. Mami, I love sexy, moi les mères, pas pas besoin belle caille. Mon amour, ou pas besoin qu'on ait pas les français. Mon amour, maladie d'amour. Paris, on l'en va. Maladie d'amour. Allez, on l'aura.